Sont-ils des geeks? Sont-ils fanboys? Sont-ils des otaku? Bienvenue dans l'émission Les Potes Calés. Animé par Teddy et Fabien. Aujourd'hui, on va causer d'un gros lézard qui a maintenant plus de 50 ans, on peut dire ça. Donc, un premier film qui était sorti en 2014, j'ai déjà un blanc, donc c'est très bien. Mais c'est pas grave, de toute façon, il était pas terrible ce film. Faut quand même avouer que 10 minutes de monstre sur un film de 2 heures, c'était pas terrible. Et bien sûr, on va parler de Godzilla, et donc de sa suite, Godzilla 2, le roi des monstres. Alors, un film qui est réalisé par Michael Dougherty, avec au casting Vera Farmiga, Millie Bobby Brown, Kyle Chandler, qu'on a vu dans Super 8, Ken Watanabe, qui revient justement après sa première prestation un peu figurative dans le précédent. Et le gros méchant du film, c'est Charles Dance, un acteur que j'apprécie, que j'avais vu aussi dans Alien 3 d'ailleurs. Voilà quoi. Et pour donc cette suite, où on peut dire que on a eu une sacrée dose de spectacle. Hein. On peut même dire que on a eu plein les yeux, mais encore plus que Avengers même, parce que c'est vraiment 2 heures de spectacle ininterrompu. Il y a pas de ventre mou, il y a pas de les dialogues sont assez courts pour qu'on ne s'ennuie pas. Franchement, j'ai pas regardé ma montre pour une fois. Et ce que je peux dire, c'est que le scénario est simpliste. Il y a beaucoup de clichés, je dirais, de facilité. Mais ça, c'est un peu le lot du blockbuster. Hein, on va pas se cacher. Les effets spéciaux sont vraiment très impressionnants. Ça, il y a pas un gramme qui dépasse. Que ce soit Godzilla qu'on savait déjà qu'on avait vu en action dans le précédent et qui était déjà très bien fait. Là, c'est King Ghidorah, il est animé de tout partout, les trois têtes elles bougent en permanence, les ailes vont avec. Rodan, c'est pareil, il a un mouvement, c'est vraiment très fluide au niveau mouvement, il y a rien à dire, hein. il y a pas un pied qui dépasse. Voilà quoi. Et il y a aussi la présence de Mothra que j'ai trouvé très bien aussi. Au niveau des interprétations, c'est pour moi c'est le minimum syndical. Hein. Ils sont tous bons sans être vraiment transcendants, on va dire. Ce que je voulais poser comme première base je t'invite à donner ton opinion maintenant. Moi je vais te rejoindre sur la première base. Ouais. Voilà, les acteurs cabotinent pas trop, ça va. Ça fait pas du Samuel Jackson dans Skull Island. C'est clair. C'était du Samuel Jackson plus que du film King Kong. Ça va, ils ont bien rattrapé, moi je trouve, les erreurs du premier. Parce que dans le premier, on voyait une patte, un bout de queue, une gueule, et à la fin, un combat. Là, ça va, ils nous en mettent plein la gueule, plein la vue dès le début, il n'y a pas trop de ventre mou, et voilà, les humains, c'est de l'arrière-plan, c'est juste un background pour Godzilla, et ça, j'ai bien apprécié le fait qu'ils ont tourné le film comme ça. Ouais. Bon, les humains, c'est un peu de la chair à canon, des fois. Hein. Enfin, de la chair à Rodan, parce qu'on voit même une scène où il avale un pilote qui est en train de s'injecter. Mais il y a cette particularité, c'est que c'est vraiment spectaculaire. C'est vraiment, comme je disais, c'est vraiment le film qu'il faut voir au cinéma, quoi. Tu l'apprécieras pas de la même façon si tu le vois, par exemple, sur un écran, un écran LCD, quoi. C'est ça ce que je veux dire, moi. Ouais, c'est fait pour être un grand film. C'est-à-dire que là, c'est pas prévu pour être regardé tranquille dans ton salon sur ta petite télé. Ça, c'est sûr qu'on l'appréciera plus, les scènes d'action. Alors, la 3D, je sais pas, parce que nous, on l'a vu en 2D, mais même en 2D, ça crache, quoi. Il y a pas de souci. On est pris dans l'action et puis on en prend plein la vue et on suit le combat avec intérêt. Et c'est franchement bien, quoi. Ouais. Puis en plus, on a plusieurs combats. On n'a pas que le combat entre Godzilla et Ghidorah. Mais on va pas tout non plus révéler dans cette partie-là parce que sinon il y aura plus de lien, il y aura plus de suspense, on va dire au niveau du podcast. Voilà, quoi. Mais je pense qu'on a un peu parcouru l'essentiel et moi je le recommande quand même. Parce que je trouve que pour au niveau d'un blockbuster, c'est honnête, c'est sympa et moi je me suis moins emmerdé que si j'avais été que pour Avengers, même Captain Marvel où c'était un peu tarif minimum et scénario pas terrible, quoi, je veux dire. Bon, après il y a beaucoup d'écarts scénaristiques aussi dans Godzilla, moins que dans Avengers. Ouais. Il y a de la facilité, mais bon, c'est un film avec des monstres géants, on s'attend pas à ce que ce soit logique. Non, c'est clair. Là, heureusement, parce qu'on y reviendra dans une partie spoil après. Mais sinon, ouais, je me suis clairement moins emmerdé devant Godzilla que devant Avengers. Bon, que Avengers, c'était pas dégueulasse, hein, mais il y avait beaucoup de ventre mou et je me suis un peu fait chier. Là, ça va, j'ai pas trop mangé pendant la séance. Ça a pas trop craqué au niveau des dents, on va dire. Parce que les dents de Godzilla, elles craquent. Mais c'était pour dire qu'il y avait une vraie dimension épique. et qui avait vraiment beaucoup de scènes de destruction massive. On en a pour notre argent. Moi, j'ai envie de dire ça. Il n'y a pas de demi-mesure. Ouais. Il n'attaque pas Hawaï vite fait, un truc isolé, ou alors il ne se promène pas dans la campagne. Là, quand non, ça pète, quoi. Tous les buildings, les immeubles, tout y passe, tout y est écrasé, tout est réduit en cendres. Et d'ailleurs, on abordera d'ailleurs le problème des retombées nucléaires tout à l'heure, parce que ça aussi, il faut en causer. Bah, je pense qu'on peut peut-être dériver sur la partie spoiler, vu que on a un peu parcouru, on a fait un survol, un peu comme Rodan, l'essentiel. Vous pouvez couper là si vous n'avez pas envie d'être spoilé, mais on peut juste vous dire que ouais, vous pouvez y aller, vous allez passer un bon moment. Puis maintenant, on va vous expliquer un peu plus pourquoi dans une partie spoil. Bah, c'est quoi. Alors moi, j'aimerais commencer par la partie fan service, donc je vais te laisser t'exprimer. Faut savoir que il y avait pas mal de choses qui étaient spoilées dans les bandes annonces et les différents spots. C'est un peu le problème de ces bandes annonces, c'est que moi je les regarde de trop et j'ai plus tellement de surprises. Je savais qu'il y avait Komunga, entre autres, tu t'expliqueras qui c'est Komunga, qu'il y avait Anguirus, et du coup, il n'y a pas vraiment de surprise, et moi, bon, je suis un peu moins fan de cet univers, tout le fan service qu'il peut y avoir dans le film, je ne l'ai pas nécessairement repéré, et c'est pour ça que je te concède la parole à l'instant. Au niveau fan service, au niveau des kaijus, bah, forcément. Quand on a suivi un peu l'histoire, voilà, il y en a, on se dit, même des fois sans les nommer, ah, c'est Komunga. Bah, Komunga, on n'entend jamais le nom, hein, je veux dire, les gens, voilà, ils disent, bah, pour Ghidorah, à un moment, ils disent, bah, la légende l'appelle Ghidorah, ou des trucs comme ça, même que l'autre, il fait une blague avec Gonoré, là, le comic relief de service. Et puis, voilà, quoi. Lourd, lui, hein. Un petit peu lourd, enfin, Fabien l'a trouvé lourd, moi, j'ai trouvé un peu moins lourd. Énervé, deux paires de claques, ce mec-là. Ça me dérange un peu moins. Après, il y a beaucoup de fans de service dans le son, quoi. Ouais. Quand t'as Godzilla qui sort des flots et puis que t'as le truc, à dire très japonais à la Naruto, où tu sens que ça va partir en baston général avec les cris là, voilà, ça c'est clairement du fan service à fond. Ouais, c'est sûr. Voilà quoi. Bon, que le fan service, ouais, ça. Bon, finalement, il est pas si écrasant que ça quand tu regardes, quand tu vois le film, parce que tu me décris certaines choses, mais disons que ça reste encore du fan service potable. Après, c'est pas on va te balancer tous les 3 minutes une référence aux comics comme dans les films, on va dire que je suis un hater de Marvel Studios, mais c'est pas grave. Mais on va pas te balancer tous les 5 minutes des références aux comics ou un caméo, tu sais, Ce que j'étais en train de dire, si tu connais pas l'histoire de Godzilla, enfin vaut mieux avoir vu le premier quand même et encore. Je veux dire, si tu connais pas l'univers 1954, etc., bah, tu vas passer à côté de quelques points, mais ça va pas t'empêcher de voir le film, ça va pas t'empêcher de le comprendre et ça va pas t'empêcher de le suivre. Donc le fan service là, il est bien géré. Mais pour des passionnés comme moi, voilà, t'as malheureusement un petit sourire aux lèvres quand t'entends voilà certains sons, certaines musiques, et puis que quand tu vois même des kaijus que je connaissais pas, moi Behemoth, je le connaissais pas par exemple. Ouais. Puis, ah oui, l'espèce de alors on le décrit physiquement, c'est une espèce de mammouth géant en fait. On dirait une sorte de mammouth géant entre le singe et le mammouth. Ouais, c'est ça. Le singe mout. Le singe moumout. Et voilà, celui-là je connaissais pas trop, mais après quand j'ai vu, j'ai cru voir la pince d'Ebira ou des trucs comme ça. Tu vois, c'est subtil, mais ça c'est mon cerveau d'otaku qui a fait bling. Ouais, voilà, fin de service. Ouais, certainement que si on capte, parce qu'il y a une scène où on voit la carte planétaire, et puis on voit tout, il y a tout des. Tous des sites de Monarque, d'ailleurs, c'est Monarque qui challenge tout ça. Et on voit des noms de code, hein, on sait pas, c'est assez furtif, hein, même sur les écrans de télévision, on voit quelques bestioles qui se baladent, on voit Komunga, on le voit deux, trois fois, c'est le seul qui est vraiment visible parmi les, parce qu'il faut quand même savoir qu'apparemment ils sont 17 sur la planète. Apparemment, ils sont 17, mais je veux dire que, voilà, tous ceux que tu vois bien, c'est, bah, le Muto. Apparemment, il y a un Muto qui a survécu. Il est revenu. Donc, Godzilla, forcément, Rodan, King Ghidorah, ouais. Komunga, Behemoth, et le reste, tu les vois pas trop. Ouais, c'est ça. Ouais, en fait, les deux. Et Mothra, bien sûr. Qui sont un peu secondaires, entre guillemets, c'est Behemoth et Komunga, quoi. C'est ça. Voilà. Est-ce que tu veux parler de quelques incohérences vis-à-vis du contexte, c'est-à-dire. Il y a beaucoup d'explosions nucléaires dans ce film-là. Alors, et dans le monde merveilleux de Godzilla, ouais, on survit à des explosions nucléaires, on survit à des radiations, on survit à tout. Bah, c'est bien, hein, c'est quasiment le monde d'Amélie Poulain. Donc le souffle atomique, à chaque fois, il fait que légèrement décoiffer les personnages, quoi, tu vois. Bah, même la fille, quoi, elle veut dire King Ghidra, qui est prêt à la bouffer, qui se prend un souffle atomique de Godzilla. Non, rien, ça va, tout va bien. C'est vrai que c'est cet aspect qui m'a un petit peu irrité, quoi. Bon, c'est le seul, mais il faut pas tenir compte parce que le niveau d'incohérence est proche de zéro, on va dire, de cohérence, ouais, est proche de zéro. Mais c'est vrai que ça passe assez bien parce que on s'en fout un peu s'ils meurent les humains quand même. Voilà, après ça fait comme dans le premier, c'est pas voilà, on a un peu plus de facilité à suivre les humains parce qu'ils ont quand même un but, c'est d'aider Godzilla. D'ailleurs dans le premier, putain, t'en avais rien à secouer des humains, c'est-à-dire t'attendais que les monstres se foutent sur la gueule puis c'est tout. Quoi qu'ils changent un peu vite d'avis, je trouve, parce que Ouais. Au début, il voulait l'exterminer, puis après, vas-y, mon gros, réveille-toi, quoi. Ah, puis après, ça devient son pote. Ouais. Il fait le clin d'œil aussi, hein, comme dans le premier. Hein. Ah, toi aussi, ouais. Ah, t'as vu, wesh, on s'est bien battu. Ouais. Ouais, ça aussi, c'est. Ouais, bon, c'est le revirement, parce que de toute façon, ils ont besoin de lui, finalement. Ils se rendent compte que. Il y a que lui qui peut sauver la situation, finalement. Bon, on va dire tout de suite, c'est la mère qui est responsable de tout, hein. Elle a réveillé tous les monstres. En sachant très bien quelles conséquences il y aurait, mais elle l'a fait vraiment de. On a quand même. J'ai l'impression que c'était parce qu'elle elle en voulait à la Terre entière d'avoir perdu son fils, quoi, quelque part. Tu vois? C'était un peu ça, quoi. Bon, après, ça fait bizarre. Son fils s'est fait dézinguer par un monstre. En conclusion, elle réveille tous les autres monstres. Mmh. Ouais. C'est un peu con, mais bon. Ça, c'est facilité scénario, on va dire. Mmh. Mais moi, je l'ai vu arriver, la traîtrise de la mer, je l'ai vu arriver direct. Ouais. Bon, on va parler. Donc, le cœur de l'histoire, c'est vraiment le. Un combat pour le royaume de la Terre, quoi, entre Godzilla et Ghidorah, qui sont les deux challengers, quoi. Limite, tu mettrais l'œil du tigre de Rocky 3 sur la musique, quoi. Ouais, mais c'est aussi derrière il y a le message écologiste qui est un peu caricatural, malheureusement. Tu vois, c'est un inconvénient là, c'est que avant les écolos ils essayaient de sauver le monde, etc. Et puis là à chaque fois que j'ai vu des écologistes dans les films récemment, c'est tous des éco-terroristes. Ouais. Donc maintenant, quand t'es écolo, apparemment, tu passes pour le terroriste de service. Ouais. Moi, je trouve ça un peu caricatural, quoi. Puis Ghidorah, bon, dans ce film-là, c'est un peu comme dans Planet Eater. Bon, dans Planet Eater, il venait d'une autre dimension, hein, d'une dimension un peu sombre, apparemment. Là, c'est un extraterrestre qui vient d'une autre planète. Et il a le pouvoir de contrôler les autres monstres. Ça m'a fait penser à autre chose. Qui ne me revient pas en mémoire pour l'instant, le fait qu'il puisse contrôler les autres. Alors moi, ça me fait penser à Dragon 2, hein. C'est un dessin animé, voilà. Non, t'as un mal alpha, t'as un autre mal alpha, et puis après, pour contrôler les autres dragons, c'est Croque-Mou qui devient le mal alpha. Et là, ça fait un peu le cas aussi, quoi. C'est-à-dire, t'as une machine qui fait croire qu'il y a un mal alpha, hein, comme c'est pratique aussi, l'Orca, rien à voir avec Star Trek Discovery. Ouais. Et après, tu te dis que, puis après ils te disent, King Ghidorah, du coup, il sait réveiller tous les monstres sur la planète parce que c'est un mal alpha. Et puis après, tu sais que Godzilla aussi, c'est un mal alpha, quoi. Ouais. C'est vrai qu'on peut parler aussi de cette scène dans la cité sous-marine qui fait un peu penser à l'Atlantide, aux grands anciens aussi. Moi, j'ai pensé un peu à du Lovecraft, le fait comme ça de ramener des monstres antiques, hein, à la surface. C'est un peu Lovecraftien aussi comme thème, quelque part. Et j'ai trouvé que, visuellement, c'est vrai que, on a déjà vu, mais ça rend vraiment beau, ça rend bien, c'est vraiment beau à l'écran, quoi. Ouais, puis c'est grandiose, hein, c'est-à-dire, c'est grand, même le sous-marin, il a l'air tout petit à côté, quoi. Ah, il est minuscule, ouais. Parce qu'ils y vont en sous-marin, bon, d'ailleurs, ils sont tous morts, normalement, mais enfin, on en reparlera plus tard. Ils y vont en sous-marin, ils se font happer là-dedans, et puis, les murs sont immenses, même plus grands que Godzilla, quoi. Et puis, on se sent tout petit à côté. Ouais, complètement. Il y a aussi cette notion de sacrifice qu'on a vu arriver de loin aussi. Enfin, on va dire que c'est notre ami Ken Watanabe, alias Ra's al Ghul dans Batman Begins, qui fait le sacrifice. Mais c'est un leitmotiv qui revient dans les blockbusters. C'est que maintenant, il faut sacrifier un personnage important, tu vois. Ouais, puis je sais pas, c'est à la Pacific Rim, il sacrifie l'asiatique à chaque fois, c'est un peu chiant. Ou l'Indien. L'Indien ou l'asiatique. Ouais. C'est ça. Voilà, quoi. Mais dans l'ancien, je pense que. Ouais, puis ils arrivent à soigner Godzilla à coup de bombe nucléaire aussi, ça faudra en parler. Ouais, mais tu peux en parler si tu veux tout de suite. Bah ouais, t'as Godzilla qui est en train de se recharger dans cette cité abandonnée parce qu'elle est très radioactive, donc elle est en train d'absorber la radiation pour se soigner un petit peu. Et puis du coup, pour le booster, ils disent bah on lui fait exploser une bombe nucléaire à la gueule, puis voilà, Godzilla, tout va bien. Salut, c'est moi, c'est Godzilla, je vais bien. Ouais, tout d'un coup, ils arrivent à une espèce de dopage nucléaire. Alors encore une fois, il y a une énorme bombe, et puis bon, comme on en parlait tout à l'heure, c'est à chaque fois qu'il y a que ce soit un avion, ils sont dans une espèce de forteresse volante à un moment. Et que ce soit Rodan ou Godzilla, ils balancent des missiles à tout va. Il y a des explosions nucléaires partout sur le globe. Mais il n'y a aucune conséquence sur l'environnement, quoi. C'est ça qui est bizarre, quoi. Ouais, puis il n'y a aucune conséquence sur les personnes. C'est comme on disait sur le souffle atomique tout à l'heure. L'autre, il crache du souffle atomique pour désinguer l'autre monstre. Puis les mecs, ils sont à 200 mètres du monstre, ils regardent, ils font ouais, quelle belle bagarre, t'es mort, quoi. Ouais, c'est ça, t'es restes soufflé. T'es spectateur comme si tu regardais la télé, quoi, en fait, c'est ça. Ouais. Ouais, ouais. Et voilà, quoi. Non, moi, tu parlais de Dragon 2, moi, il y a une scène qui m'a rappelé Goldorak parce que je suis un fan. C'est le fait, il y avait une espèce de dragon à trois têtes dans un Goldorak, un Golgoth à trois têtes, et crachait justement une espèce de rayon, je sais plus si c'était jaune ou rose, enfin bref. Et puis il y a ce rayon qui dévastait tous les immeubles et tout, et puis moi ça m'a rappelé mon Goldorak, le Goldorak de ma jeunesse, j'ai envie de dire. Voilà. Est-ce que t'as d'autres choses à ajouter, à part sur, si on parle de cette scène post-générique, on attend quand même attendu 10 minutes. C'est pas la peine d'attendre parce que de toute façon c'est inutile, puis ça fait aucunement jonction avec le prochain qui sera Godzilla versus Kong. Quoi. Non, c'est les scènes pré-génériques, enfin le générique dans le générique qui montre beaucoup Skull Island. Putain, on te le montre au moins 10 fois, on a compris quoi. Donc apparemment, King Kong sait pas nager parce qu'il a pas participé à la baston. Mais voilà, on va nous montrer Skull Island et Skull Island et Skull Island et Skull Island. Donc je pense que voilà, 2020, God versus King, ça risque d'être très annoncé, quoi. Enfin, on n'y échappera pas. Bah, sinon, dans la post-générique, donc après tous les crédits, etc., ouais, vous emmerdez pas à rester, hein. Il récupère juste la première tête arrachée de King Ghidorah, quoi. Ouais, c'est ça. Cette première tête, d'ailleurs, faut signaler que Ghidorah, il y a un pouvoir régénérateur, comme un certain Logan. Ou comme une étoile de mer, hein, si tu veux pas rechercher sur Logan. D'accord, c'est plus ce côté-là. Ouais, puis dans les scènes pré-génériques, tu vois aussi que, comme par hasard, les crottes de kaiju, les trucs comme ça, ça soigne l'environnement, tiens. Le hasard est bien fait. Donc les trucs, ils sont nucléaires, radioactifs, tout ce que tu veux. L'autre, tu peux pas l'approcher parce qu'il a la chaleur d'un volcan, mais à chaque fois qu'il passe quelque part, la nature va mieux. Foutez-vous de notre gueule. C'est vrai qu'à un moment, il devient tout rouge. On dirait le phénix même. Ah oui, là, Godzilla... Il balance des espèces de souffle, vraiment, mais c'est même plus du nucléaire, c'est... on dirait une espèce de supernova, tu vois. On dirait l'attaque Nova de Superman, en effet. C'est ça, ouais. D'ailleurs, Superman, je faisais un petit peu un comparatif, parce que je me suis dit, il y a Godzilla versus Ghidorah, c'est un peu le combat Superman contre Zod. Puis à la fin, quand Godzilla, on va spoiler à mort, Godzilla bat King Ghidorah, t'as tous les autres qui s'agenouillent autour de Godzilla, et là, tu m'as fait la remarque, on s'agenouille devant Zod. Tout à fait. On a les références de fanboy qu'on peut, hein. C'est vrai que pendant cette séance, on a quand même un petit peu parlé, on a un petit peu déconné, mais et puis c'était un petit peu pour détendre l'atmosphère aussi, quand même, quelque part. Parce que bon, deux heures au cinéma. Alors moi, je vais te dire honnêtement, les 2 heures, ça va, ça passe. Hein. Par contre, les 3 heures d'Avengers, je me suis bien fait chier. Enfin, pas tout le film, mais une bonne partie. Là, je trouve que ça passe, parce que les scènes avec les humains, ça va, elles sont rébarbatives, mais elles te pètent pas le rythme. Ouais, on est quand même, il y a cette différence de, ils ont bien compris le truc, je pense que tu l'as dit tout à l'heure, mais le fait que il fallait pas nous noyer avec des intrigues secondaires dont on n'avait rien à foutre, quoi, tu vois. Il fallait garder un certain rythme et puis équilibrer le récit, c'est-à-dire il y a une phase de dialogue, il y a une phase d'action, c'est comme ça, quoi, tu vois. Et ça marche mieux dans ce deuxième film. Que le premier, franchement, il fallait, je sais pas, à mon avis, quand on voit une première patte, c'est quand il sort de l'eau, il me semble. Dans le premier, tu vois d'abord la crête, après tu vois une patte, après tu vois une queue, après tu vois un bras, enfin si on peut dire un bras. Ouais. Pareil pour le muto, il y a que les mutos que tu vois à peu près bien dans le premier. Puis Godzilla, on te le tease, quoi. On te le montre pas, on te le tease. Ah, oui, une oui, patte oui. par-ci, une gueule par-là. Bah, pour moi, c'est un gros teaser, le premier. Ouais, c'est puis... un teaser du premier, du deux, hein. Puis, puis y a qu'à la fin où, ouais, c'est la vraie baston, quoi. Mais ça, ça dure. Godzilla, il doit être une dizaine de minutes maximum dans le premier. Ah oui, oui, non, mais vous pouvez faire une recherche sur YouTube, par exemple, vous tapez Godzilla 2014 scène, et vous allez tomber sur un montage qui montre exactement, scène par scène, toutes les scènes de Godzilla, il y a 10 minutes sur, je m'en pas, sur une durée de 2 heures, quoi. Je trouve ça que. On a quand même. On n'a pas une autre dose, là on l'a eu vraiment eu. On a eu un bon film divertissant. Qui suit avec plaisir, on va dire. Ouais, puis pour ouais. moi qui est fan de Kaiju, ouais, mmh. j'en ai pris plein la vue. Ouais, ouais. Moi, je suis content, je suis bien servi. Ouais, je suis un bon client, bien servi, on va dire. Ouais, parce que toi, il faut dire que t'en attendais beaucoup de ce film, vu ta déception du premier, vu ta déception aussi de la version 2016 Resurgence, si je me souviens bien. Ouais, de la version japonaise ouais, Resurgence, vu aussi la déception de Planet Eater ou les Godzilla de Netflix, ouais. quoi. Mmh. Ouais, j'en entendais beaucoup, relever un peu le niveau, et moi je trouve que la mission elle est accomplie. Avec l'espèce de poulet, là, je sais pas si tu te souviens. Ouais, on a une ligne d'Inde radioactive. Enfin, voilà. C'était horrible, quoi, mais bon, je pense que on peut conclure sur ça en disant qu'on le recommande quand même chaudement. Moi je recommande, il y a quelques incohérences, mais ça passe, c'est pour faire avancer le scénario. C'est ça. Sinon, ils seraient tous morts et puis ça avancerait pas. Voilà, comme le sous-marin qui fait 3000 mètres de profondeur, et hop, en 30 secondes, il remonte à. Et personne meurt, enfin, tous les trucs comme ça. Ah oui, ça me fait penser à un autre film, ça, de sous-marin nucléaire aussi, ça. Mais bon, c'est des trucs qui sont faits pour. En gros, ça fait un peu. Pas le temps de s'occuper de la science, on veut de l'action, tu vois. Oui. Ça fait un peu ça, des fois. Bah, je pense que c'est la formule qui veut ça. Puis finalement, ça marche pas si mal. Et puis, on en a pour notre fric. Et je crois que c'est l'essentiel, quoi. Merci d'avoir écouté cette émission jusqu'au bout et j'espère qu'elle vous aura plu. Vous pouvez laisser des commentaires sur la page Facebook dédiée et la partager pour la faire connaître. Et on vous dit à la prochaine pour une nouvelle pastille.